avec ma bande en coco, la tête haute en tournant la réplique. La cause est universelle. Dans ce contexte, on cherche pas de prétexte. Le respect du thème se plâme, c'est naturel. On reste en harmonie spirituelle. Ouais, mon gars, c'est le Bushido. I deep in my hood when I'm banging out. When I'm banging out. Cross streets, I'll death row. Death row. And I just want surviving. Dans les passes en cours, tous après le ralice. I deep in my hood when I'm banging out. When I'm banging out. Cross streets, I'll death row. Death row. And I just want surviving. Dans les passes courtes, tous après le rallye. So I throw my do sign on the right side. But finger on the trigger on the left side. I throw my do sign on the right side. But finger on the trigger on the left side. Capuché dans mon hood, ambiance Beretta. Casa del Muerte à courir après l'oseille. J'ai perdu des proches, j'ai des trous en poche. C'est l'ascenseur, tu grimpes, tu chutes. Stay strong, mélancolique, j'affronte la mort. Le sourire relève, paro, j'ai arrêté de pharo. La qualité, pas la quantité. La solitude nous brise, respire le shit pour reposer nos faux serres, enfoiré. I deep in my hood when I'm banging out. When I'm banging out. Cross streets, I'll be through. This road. And I just want surviving. Dans les passes courtes, tous après le ralice. I deep in my hood when I'm banging out. When I'm banging out. Cross streets, I'll be through. This road. And I just want surviving. Dans les passes courtes, tous après le ralice. I deep in my hood when I'm banging out. When I'm banging out. Cross streets, I'll be through. This road. And I just want surviving. Dans les passes courtes, tous après le ralice. I deep in my hood when I'm banging out. When I'm banging out. Cross streets, I'll be through. This road. Just one survivor. Dans les passes courtes, tous après le ralice. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao. Eh ouais, mat ton katana là, là qui serait encore. Encore quoi le montage, bro? Qui badachi? Snoop D, double Jeezy. Le nouveau jingle a été fait par Tudo. Snoop D, double Jeezy. Il était chaud, il était chaud, il était chaud. Ah, Snoop D, double Jeezy. Ah, on t'a entendu, mon gars. Hein? On t'a entendu pendant le jingle. Tranquille, tranquille, on te ressortira ça au calme. Vous êtes toujours dans la 25ème. Sort du caniveau, t'entends? Il est 23h02 exactement. Tu dis quoi? Donc on ouais. Là, on va passer à la rime facile. Donc pour ceux qui nous écoutaient pas avant, en gros, on a imposé Jimo à Braza. Il nous a écrit un petit truc. Tu peux le faire a cappella. Tu prends ton temps. Soit même on te met une prod. Mais on avant. Le faire a cappella. Attends. Avant, moi, j'ai juste une petite question à te poser, Braza. Ouais. Parce que sur différents sons. Tu parles anglais, c'est quoi ton rapport avec l'anglais? Mon rapport avec l'anglais, frère, c'est comme tous les renoms. Mon rapport avec l'anglais, c'est un peu difficile à expliquer. Non, mais bon, est-ce que tu parles anglais en fait? Ma question. Ouais. Ok, vas-y, dis voir deux, trois trucs. Deux, trois trucs, tu veux savoir quoi? Vas-y, dis, wesh. You want to speak about what, nigga? Yeah. Oh, what you want, motherfucker? Now c'est we c'est can bon. Speak if yeah. You want. Calme-toi, calme-toi. Ah. Ok, ok, vas-y, vas-y. Si, si. Donc, vas-y, c'est débrouillard. C'est débrouillard. C'est l'anglais des Africains. T'as vu, on a tellement de gars qu'il faut l'apprendre. Comment tu peux demander à un Rwandais s'il parle français? Pourquoi tu ne me demandes pas si je suis bon en Rwandais? Pourquoi tu es obligé de me demander si je parle français? Parce qu'on est en France, man. Attends. Pourquoi alors on prie en arabe? Pause. 90s et Bless. Donc ce que je propose, c'est que Jones, tu nous remettes un petit jingle. Ouais, je vais mettre un petit jingle. Après, on envoie la rime facile de Braza. Ouais. Et après la rime facile, j'envoie les instrus freestyle. Donc ça veut dire que ceux qui veulent freestyler, les gars, faudra se mettre autour de la table. Ok. C'est bon ou pas? C'est bon la famille. Si Braza, tu passes les 10 mots, tu gagnes un petit cadeau avec notre partenaire. Snack non, j'espère que c'est une limousine, mon gars. C'est un snack food. Il m'offre quoi, un gros taco XL ou comment? Tu vas là-bas, tu dis j'ai gagné. Tu dis j'ai gagné. Donc je tiens à préciser qu'il dit ça à chaque fois. Donc c'est Jounès qui paye le snack food. Hein. Ok, ça roule. Voilà. Personne ne m'arrive jamais. Je note ça sur mon calepin. C'est pour ça qu'il est costaud. Hey, Tudo, tout ça, toi, on se respecte, tout ça. Mais laisse ma muscu tranquille. Toi. Vas-y, je balance. Biceps, c'est sous les joues. Allez, les gros. Hey. Ah, c'est chaud. Tous les jeudis. Ciao. Ah, écoute. 22h minuit. NOP Gang. Libérer Fares, libérer Sissi. Ah oh, ouais, on est ensemble. Aïe. C'est Sissi. Hein? Vas-y. Oh ouais. T'inquiète, les vrais se reconnaissent. Ah. Mwanamai, Congo Bolingo, à l'ancienne Coco Philomide et Fracata. Un OP panasien impulsif capuché dans mon hood. Comme. Ah merde, excusez-moi, je reprends. Mwanamai, Congo Bolingo, à l'ancienne Coco Philomide et Fracata. Un OP panasien impulsif capuché dans mon hood. Comme le refrain de Ghetto Hood. Kodak la photo, planche reconnaissance flashade pour les Toshmi. Mletoshmi, t'inquiète, Harbach, Select, Bless, Amistan Smith, 90s. J'essaie de tous les caler. Bon. Braza est chaud, Braza est chaud. Donc paye-moi mon tacos, mon refresh, t'as mis tes 10 mots. XL, hein, je précise. Sauce algérienne samouraï, pas de sauce fromagère, mon frère, je précise. Braza, les gars, on est parti pour 15 minutes de freestyle chaud, on est là dans la 25ème. Aïe, ça c'est pour mon rail, tu dos. Si t'es vert, t'es vert, t'es zakebe. Ici, tout est doux, même nos sacs les bœufs. Vas-y, vérifie tout. On risque de t'étonner dans le rap, t'es pas t'es mieux que nous. Arrête de déconner, un seul ne faut pas être finira dans le doux. Non, Tudo, calme-toi. Il est chaud, le gars, il vient, il dit rien. Vous êtes toujours dans la 25ème, on est chaud. NOP Gang, yo, represent Maniga Brother. Batayans. Hey yo, si t'es vert, t'es zakebe. Trop vert ici. Eh, écoute. Si t'es vert, t'es zakebe. Ici, tout est doux, même nos sacs de bœufs. Vas-y, vérifie tout. On risque de t'étonner dans le rap, t'es pas mieux que nous. Arrête de déconner, un seul faut pas et tu finiras dans le doux. D'abord, dis-moi, toi t'es doux. Pourquoi tu joues les fous? Reste cool, la vie et l'amour, ça se trouve partout chez nous. Et même chez vous, it's like that. She don't change, street still have no friends. So nigga, use my mind to get my bread in my hands. I got rhyme to slang, much money to make, many kids to teach. So ain't got time for dogs. No matter where you come, gonna feel the storm. King Kong perform, every hood the same. Nos HLM sont des vrais hip-hop kingdom. Nos caniveaux s'accolent, rien à foutre ton trône. Des noirs, plats, clairs, so il faut que l'amour résonne. Si c'est Bézac, ce n'est pas la capitale. Mais je vois toujours les mêmes qui triment dans le ghetto. Black Lambert comme l'équipe des Zizou. Il y a Beza. Même des frères qui viennent de Saigon. Il dit c'est Bézac. Bézac. Ce n'est pas la capitale, yo. Bézac. On y fait des capitales. Hey, ouais. Yo, Braza, you got something right there. V'là du rap des mecs de thèse. Droit dans la chaîne, t'es à fond dans le survie. C'est pas un movie, on perd des proches, des ennemis. Quelques associés, une scarla, des brouillardises. Représailles, refraisailles, bad compagnie. Bad comme la nuit, bad comme le refrain que la mise. La mise, ça fait long time que mes refrains n'en ont plus. Fouras saoulé, les cicatrices racontent le passé. Et les rites racontent la merde, tu des guerres de thèse. Un orgueil mal passé. Plus tu grimpes, plus tu bévites le cimetière. Tu fais le ouf sur le terrain, faut ta quebra. Mais comme dit Salif, les mandats se font rares. Comme les rabats, de merde. Yo, si c'est Bézac, tu sais, on continue sur la même routine. Je reprends. C'est comme ça qu'on fait les bars. Écoute, excusez-moi les gars. Jiggy check, yo. Je veux lâcher un petit bail à mon refrain au mix qui est là. Je veux qu'il me chauffe un peu là, t'as il est là. On va pull up à mon refrain, il est là. Hey, au mix, qui take that shit, bro. Un peu de Galsen ici là. Breda, attitude. On est toujours là, t'inquiète pas. Bézac, toujours. D5 représente, il y a. Bézac, les gars. Galsen, what's up? Bézac, c'est Bézac, man. Braza, mets-lui le micro, mon gars. Give me that shit, world of style, bro. La langue des pharaons. Ici c'est Bézac, yo. Deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, deco, de Dottle fees, gangsta digger, ripple rap, nigger duff, well a buck, yo, kuban de race, the mom, soma sene, fuck the dough, mathematic like a cap, dick or touch the magrow, magatum power, jinne, muna, jomal, juni, gonna, hello, buddy, buddy, hum, muno, jita, julip, kune. Feel in the phone, jump go check it out, new railer. Kill or tell young army, no good boys, a friend of Rangler. Can the killer boss, killer ghost, to be Tony Cruz. Kiss the limo, drools, that you catch you, where do Tony Cruz? Little girl fake, like a boy can check a jump, catch your link on death, dick on death, then get off, ha, yeah. Shut the fuck, bandi yang ini real recognize, when you recognize, bring it back, bring it back. This is how we do, better recognize, when you def rap a ground, it gets 2-5-0 Tout le monde y fait du capital, yo. Ici c'est Bézac, ce n'est pas la capitale. Tout le monde y fait du capital. Ah, dans la place. 2-5-0 C'est freestyle, non? 2-5-0 Moi j'aime ça. Exactement. Ah, ça c'est Señorita. Y'a tout le monde. C'est parti, écoute, pour la suite. Yeah. On continue. Carton, ah. Tu sais que c'est la baie que je fume. Oh yeah, la mort est partout, négro. L'amour est partout et la mort est partout des. Ah, bébé gars. La vie est partout et la mort est partout des. Switch, switch. Un, Señorita. Depuis tout à l'heure, tes voix bouger ton corps et dans ma tête, je me dis mamma mia. Même bien, je sais que tu maîtrises ton art comme les geisha. Tu es pour moi parce que tu sais qu'elle même mon côté yakuza. So give me the love. Fessia Malik, me want some more. Let me be your black stallion. Comme ça on joue au rodeo, come on, ride on me. Ride on me, baby, you're the one. You're the baby, my dove, oui. Oui, baby, squad. Oh, no, gawe, my baby, girl. Oui, baby, squad. Oh, gizab, gawe. Hey, niggas, it's a koya, we. I wanna man, then break me heart. And that's it. Connais pas les bails. Ain't got no money, but got the love in my heart. And she said, whoa, whoa. You are the poor man, so you can break me up, nigga. And that's it. Ain't got no money, but got the love in my heart. Mina, Mina, Mona Lisa, Señorita. Tu passes la night avec un really gangsta. Tes courbures si parfaites, tu me feras bouger toute la noche. Abraza Havana sous le drapeau de Cuba. Car nation Nugan qui te fera bouger sous tes races. Sans d'une, tu sens ça rire et machette. Chemise sans manchette, ma chaleur te fera passer l'hiver. Prends ton brasa si t'es calenté, si le rythme est rumba. Africain mais parita, je t'éviterai les soirées bunga bunga. Chica chica, évite la chicha, fume la ganja. Sensuel et petit, prochaine quand tu dis. Non, excuse, une vraie guerrière, c'est l'Amazon qui manie le couteau. Qui manie le couteau, la maison, les affaires. Ah, négro, une vraie femme, une guerrière. Hey. And she said. You are the poor man, so you can break me off, nigga. And that's it. Ain't got no money, but got the love in my heart. Au mix. Yeah, yeah. Ah non, ah ouais, vous continuez, mais yeah. Fallait laisser le frangin kicker le bag. Yeah. Ouais, c'est pas grave. Break my not a beat. Yeah. Yeah, tu me suis, bro. Yeah. On y va. Yeah. Got my demon, got respect. Nobody, body can stop me. Say I'm the best, you never back me. Beat your heart, fuck your homie, I'm ready. Queen la fek, young in bombo. Dulba when you dealin' bimbo. Dama drop the card, boom a jam, my body. Fuck, fuck you, bitch, I'm brandy. Bella, bella, dulba, queen la fek, young Joe. Bella, bella, boy, for bunny the gap. The pity be crossed, the moment, do my jam. Sin back, when I take a tack, the fade, when you jam, my gun, then your mom drop. Shut the fuck, a bitch, when you jam, no stop the ball, and your attack, the bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, yeah, yeah. Rap till la woo, yeah. And why you don't talk too much? Drink guns, ballo, he just let the trigger go. Yeah, yeah. So brother, don't talk. Don't talk. Yeah. Just let your trigger go. Bang, bang, bang. Yeah. Cause why you don't talk too much? Drink guns, ballo, he just let the trigger go. Bang, bang, bang. So brother, don't talk. Just let the trigger go. Mais qu'est-ce que je ferais si tu toquais à ma porte avec ton putain Glock? Homie, I open up the door, it is my trigger go. Before your trigger go, yeah. J'suis comme Huey Newton contre les fédéraux, ou comme Jean Moulin contre la Gestapo. Ça ne va pas être facile si tu veux me trouver la peau. Cause freedom is something I'm fighting for. Homie, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise à part que c'est la loi du plus fort? Quand ça bang bang, c'est celui qui tue, qui s'en sort. Son nigga, bra, bra, bra. Allez, ma trigger go. Before you trigger go, homie. So brother, don't talk too much. Nri guns ballo, just let your trigger go. You got yeah. my back? Yeah. Cause haters don't talk. Yeah. Yeah, dans mon cerveau. Yeah, yeah. Yo. Yeah. Dans mon cerveau, mon jeu qui fait balig. Send game, no boy, jahatul. Lo dama dama mon amoko jai ma gana wek sak boy jahatu. Du madam mo babi my talk sa mat no daf my titular. Ku fi jai zan ra kom degal feeding for fake eat la. Dama tangu dama musa mana jeri chokati la boy ma nigga. Dama yagu di pandal chi under bi nyepa ko sedama nangu. Yangi sakar balig ita tako go nigga salama nyepuri. Isan batu do nord do vitesse lalay bombe ma nigga ñu bari fi mo ñu rap amu ñu japp ba nopi di bëgg di pap fokati nigga di trap tek ko ci trap te wol ñu bëgg hip hop je vous ai déjà dit je vous ai dit le rap c'est en Afrique moi je vous ai déjà dit laisse ça sont chaud dans la 25e les gars au mix c'est chaud dans la 25e écoute ça chaud dans la 25e au mix tu me suis Viper est chaud dans la 25e Viper au mix j'attends Et Digno, t'es où là mon refrain? Écoute ça! Du funky, funky, funky style. Kamu challenge style! Gangsta don't dance, we just boogie! Kamu challenge style! Romé, put up ça, put up! Romé! Kamu challenge style! Gangsta don't dance, you know we just boogie! Le bail est en train de cramer. C'est du Sea Walk, bande d'enfoirés. Kamu challenge, you know what I mean? B-Walk, Sea Walk, if you want me. Yeah. Creeping every day. Ah, Junes, tu dois connaître ça. Tu dois connaître ça, Junes. Écoute ça. Mon frère reste fort. L'engle, Bangala, Kongolo, Nongolo, Tongola. Pour le faire, fais colgui, Tigali, Stile, Yaratali. Avangala. Sangara, muri apata amenya yo iyo ndampatenya bahonga bamwe bibwira ko kuba ene musibisha bacene ku majosi bararye bari menge kurangira hagatimba zire zabo nzikaza zanyaruka bilezo kwitarazi kosko mapine katapila maniga seti do wiki suro mike shiki pa kongwizi chimene zwe atira sur mon couche comme zigi toujours au dale pa etaka comme pa ko figi fuck lo swaga je suis pas pdg comme didi je suis toujours cool comme les hippies you wanna fuck with me nigga boy I got you gonna fuck Martin, comme t'es là, dit MC Rouen. Nigga Rouen, Rouen à gauche de King Kong, la fils de bar de Pink. Kamu challenge style. Gangsta don't dance, we just boogie. Kamu challenge style. You know we dip in the street. Kamu challenge style. Gangsta don't dance, we just boogie. Kamu challenge style. You know we dip in the hood. Hey. Yeah, yeah. Triple Z. Triple Z. Shaolin, yeah. Triple Z. Younes. Radio Sud, yeah. Tu rentres dans le bail, dans le truc, faut pas t'adoucir. Triple des punchlines, mais le barbale faut te fêtir. Trop de cours, pousse ton petit peu à la Redbus. La peuf t'a fait planer comme Jordan au Redbus. La vie caillée dans le bang, c'est le big grave Robert. La salle est cachée, la canine peut plus rien faire. Je me vois dans mes rêves au volant d'un RS7. Ici c'est le Far West, mercenaire, on est 7. T'as rien dit à ta mère, tu te confies au commissaire. Donc c'est la guerre. J'ai pas sorti les armes, j'ai été trop gentil. J'aurais peut-être dû le faire. La rue t'appelle, donc t'as voulu faire de l'argent. T'avais pas le cran, le médecin t'a mis sous calmant. J'ai vu rapper, j'ai dit c'est quoi cette mascara. Comme l'a dit Guéry, j'suis venu pour mettre en culasse. Le flow est bonifié, on vient se proliférer. Si on débarque dans ta fête, ça sera pour mettre le paquet. J'vois les petits charbonnés, arpenter le rinté. Juste dans le but de se coutiser, la malle on aime ça. Et s'y remet ça, les recherches on aime ça. Le wagon la met pas, on voit à la vague. Le contrôle il est banal, le toucher est rectal. La matraque c'est anal. Le dimanche il rêve c'est soir et à Baldi. Ça fait l'aller en I, ça dort le 2,5. Ça fait des mois que je dormais, je suis revenu pour kicker. Le high kick sera parfait. On vient à 100 à l'heure non-stop. Ça va tellement vite, t'as pas le temps de dire timeless. Faut pas que tu te blesses. Y'aura pas de prétexte, je t'explique. La vérité n'est pas comme moi, vérifie toi-même. Toi se détient, t'as pas. Viper, calme-toi. Tu voulais grailler la salle. Canalise-toi, Viper. Calme-toi, Viper. Ouais, Shaolin, ça, ça fait longtemps. Chaud, mon gars. On est toujours dans la 25ème, on est chaud. Vous entendez ce funky style, les gars? Yeah. Venez kicker, les gars. Yeah. Yeah. On vit à 100 à l'heure non-stop. Ça va tellement vite, t'as pas le temps de dire timeless. Faut pas que tu te blesses, y'aura pas de prétexte. J't'explique, la vérité n'est pas qu'en moi. Vérifie toi-même, toi seul, détiens ta part du progrès. Dans cette ville où soir vain, faut s'accrocher donc ne pas fléchir. Trouver la brèche, sortir invincible, sans qu'on use comme tout. Usurpateur, dealer, mon troisième majeur dans l'orifice. Dites à mes gars, reste actif, laisse-les croire qu'on est toujours inactif. Ceux qui divisent les mystifient comme Jimonji. Il veut des alliés, je lance SOS. Je n'ai sans détresse. Ceux qui arrivent dans ce nouvel air, y aura pas de tendresse. Évitez le fardeau tel un épée qui plane sur la tête. Garde toujours en tête, révolutionnaire comme nos ancêtres. On voit les pètes de ces traites se retractent. Danger pour le wack, marche avec le savoir autodidacte. Qu'est-ce que tu crois, folklore mondial? On n'est pas venu raconter la salade. Folklore préjugé, la différence fait la force. Wake up, faut qu'on les choque avec des phases atroces. Dis-leur qu'on se débat, t'as jamais trop tard. Quoi qu'il passe, c'est le jeu de ma cause s'adresse. Dans ce monde préjudice, Babylone nous enferme. Dans cette prison ciel ouvert, esclave depuis le berceau. Bercé depuis la maternelle, pas d'effet médic. Faut que la France Afrique, faut que la British Afrique. Qu'on choisir fut le thème, je l'ai fait avec ma plume. Je l'ai fait avec ma plume. Dans mes paroliers, j'ai pas souhaité les armes. Mon armure, la musique, ce fut mon devoir de faire le choix. D'être libre, de savoir le sort t'appartient à ton destin. Presse. Radio Sud, ouais. Real yeah. Gangsta never die. Oh, shit. Oh, oh. That's what I saw, that's what I see in the movie. Yeah. Real gangsta never die. Woo. That's what I saw, that's what I see in the movie. Woo. Real gangsta never die. That's what I saw, that's what I see in the movie. That's what I see, got to see. Got to see. Real niggas. Dédicace à Lil Shaoli. Yes, got to see. Dédicace aux écouteurs. Real niggas never die. Dédicace aux éditeurs. Écoute. Romain les instruits, on a. Je change. Et dépini. C'est chaud. On est dans le bail là, non. C'est chaud. Il fait comme au challenge style, yo. Et Junès, tu te rappelles le bail là? Yo, reste comme tu es. On envoie la dernière, oublié, on envoie la voilà. Fatima, si tu nous écoutes, Dodo. Merci. C'est pour notre émission. Attends. Suis-moi. Après, mais ça c'est une autre. Ah, c'est un autre. C'est pas celle-là. Pas grave, laisse couler. Écoute ça. Laisse couler, c'est la hip-hop. C'est la hip-hop. Laisse couler, mon frère. One, two, three, four, two, the nine. Kill the bad vibes with my mind. As long as gas stay by my side. You know the sunshine, so let the kid ride. One, two, three, four, two, the nine. Kill the bad vibes with my mind. As long as gas stay by my side. You know the sunshine, so let the kid ride. When I bang in the street, I could be chasing my dreams. Nobody worry for us, I'm not telling you lies. We live in a gangster world, so homie, open your eyes. Open your ears and listen when I'm dropping my rhyme. Not losing my mind, born to die, so choose how to act. Hellas watch me move, Sabella check my back. Wet, right, hold me finger on the trigger like I was dropped number. This world so bad, nobody to trust. If you know what I mean, homie, let me smoke my kush. Push my mind out of cage, I still get mine. When I save my soul, homie, I'm on my own. Kick before my brain explodes, so homie never give it up, leave it up. Me a hip for hope, they sing for dope. So motherfuck, you better let me punk the lines. One, two, three, four, two, the nine. Kill the bad vibes with my mind. As long as God stay by my side. You know the sunshine, so let the kid ride. One, two, three, four, two, the nine. Kill the bad vibes with my mind. As long as gas stay by my side, you know the sunshine. Ok. Je verse une larme pour nos défunts. Paradis assassiné à courir après la maille. J'ai vu des reflets tomber, merde nos vis c'est cache d'escalier. Bicrave braco, NOP, NOP. Si le destin avait un domicile, je serais certainement coupable d'homicide. Dans mon parcours trop de violence, beaucoup de victoires, quelques défaites qui laissent des traces. Renforce ou sépare des amitiés. Au quartier, beaucoup de bouches sans courage qui se mettent à table, qui t'a flingué ton ascension. Combat sous tension, oseille, prison, bastos égale légende. Plus rien à prouver, partout j'ai traîné. Mes couilles ne sont plus à faire, compressées par mon passé. Au bord de l'explosion que le Seigneur m'aide. J'ai du mal à respirer sous assistance respiratoire. Quelques gouttes suffisent à relancer la machine. Négro with attitude, imite les pas du diable. Entre la mélancolie et les folies alcoolisées, man. Hein. C'est la 25ème. La 25ème. C'est bon là, c'est toi et moi là. La 25ème. La 25ème. La 25ème. Bang bang, on Braza. Est la 25ème. Braza. Braza, c'est la dernière celle-là, mon ref. Ça marche, la famille. Ok, merci. Bang bang bang. Merci Braza. À tous les auditeurs du 101.8 Radio Sud. La 25ème en direct. Lourd, lourd. Braza. On exclut celle-là, c'est pour les refrains. Exclut total. Tendez l'oreille, montez le volume, c'est maintenant. Ouais, ouais. C'est que je suis avec toi. C'est ou quoi? Oh. Moi c'est Braza, je suis un mec pépère. Je découpe le beat sans me rendre sectaire. Masta si t'es déter, je te cogne en tête à tête. La rue la vraie, assurant zéro traca, zéro babla. Vive comme Kill Bill, ce game est un big deal. Faut you voir la mic mille. Sur le sens à kill kill, bang bang connard. Maquilla sur le sol, des impacts dans ta crèche. Du sang sur ton torse, à skip de tes hoches. Ta front est guéri rose de la noche. Un mic, un beat et t'es couché. Vice l'arc, capitaine, crochet. Trop un de grande pour les danseuses dans string. Sur la barre des chattes, on préfère goumer des chattes. Pia, Venetia, ou pas dormir quelques pages pour évacuer nos désarrois. Repenser au passé, bâtir des relations, monter au charbon, négro. Yo. Tu le sais. Mayday, mayday, mayday, mayday, mayday. Mon frère, je suis ton côté, mais comment faire pour t'aider? Ah, mayday, mayday, mayday, mayday. Mon frère, je suis ton côté, mais comment faire pour t'aider? Ah. Mayday, mayday, mayday, mayday, mayday. Mon frère, je suis ton côté, mais comment faire pour t'aider? Mayday, mayday. Mayday, mayday, mon frère, comment faire pour t'aider? Maman, pardonne-moi, j'ai pas tout géré. T'es un bon garçon, la vie du haut, l'histoire de noctambule. Jeune vagabond attiré par l'adrénaline. Oui, tu en as passé des nuits blanches à t'inquiéter. Ton fils t'ont attiré par le vice, la tease, les soirées rodaves, la maille, la bédave de plus en plus délaissé cahier. Très jeune, c'est avec ce fan qu'il était fourré. C'est besac, mais ça parle comme des boucs du Val fourré. Un de route, t'inquiète, on va l'enfourcher. Frayeur, première chute des barres de Rico, des 2K3, demande à Fares. Oui, niggas. Real, real, real niggas. Real niggas. Real, real, real niggas. Real, real, real niggas. Real, real, real niggas. Real noirs, bon le sud. Mayday, mayday. Mayday, mayday. Mayday. Mayday, mayday. Mayday, mayday. Mon frère, je suis ton côté. Mais comment personne pour m'aider? Libérer Fares. Libérer Sissi. Mais comment la famille, faire on est ensemble, hein. On n'oublie pas, malgré les combats, la rue on la tient par les cheveux. Braza. Merci Braza, merci les gars. Merci à la 25ème. Merci au refrain Dieu d'être passé. Merci au refrain Omi. Merci à Vibes. À mon refrain Tudo. À Pips. À Chao. À Junes. Merci à toute la famille d'avoir répondu présent. Un ensemble, la 25ème, ça tourne. Et Digno, non? Bien sûr, Edino est toujours là, le refrain. Restez à l'écoute. Yes. C'était l'émission Radio Sud. Radio Sud, triple Z. Oh, les ici même, on rappe aussi. Il n'y a pas qu'un Jamaïque et la 8 des magiques. Brah Merci les refrains, restez connectés sur la 25ème du refrain Chao et du refrain Junes. Bien sûr, on est là. Que de la force et que la paix sur soi, sur vous tous les refrains. On se jeudi soir, pas trop alcoolisé, pas trop drogué, parce que la route est dangereuse. Restez des Sam. Bien joué. Vous êtes toujours sur la 25ème, il nous reste une demi-heure. On va passer la 25ème du son. Aïe, on est avec Ned Dog ce soir, il est revenu d'entre les mois. Ce soir, on va passer du son local. On est parti pour une demi-heure de son totalement local. Big up à Braza, toute la l'équipe. Mission. Émission spéciale lourd ce soir, merci Génération lourd. 90, 80 pour Tudo. On n'a pas oublié ça aussi. Big up Africa, les gars. Big up, big up. Big up, big up. De l'Afrique à l'Europe, on est tous ensemble. C'est jusqu'à parti. L'Asie, même jusque chez les Indiens en Amérique. Ici, c'est Bézac, yo. Ce n'est pas la capitale. Bonifait dit capitale. objectif. Faut que je mette le plein d'essence et que j'aille voir d'autres horizons. J'ai des frères aux militaires, d'autres enfermés en prison. Y'en a qui ont rejoint le ciel. Ça me fait des frissons, et t'inquiète, je le sais, qu'il y a un keuf caché dans les buissons. Le bise, une mise en scène, crois pas que je te mets en garde. Sache que celui qui en sème n'est peut-être pas celui qui en garde. J'en ai marre de tout ça, tous savent où j'ai squatté. Écoute-moi, je veux pas d'une équipe qui voudrait m'exploiter. En vérité, ma mentalité m'aide pas. Quoi ? Irriter cette réalité fait que je parle mal. Laisse-moi gratter la feuille ou la lécher pour m'envoyer en l'air. Pardonner l'accueil, mais ma patience est transformée en air. Ouais, je vois tout en noir, et pourquoi je fous la merde ? Parce que j'en ai marre, que je veux m'asseoir au bord de la mer. Laisse-moi partir loin d'ici et voir l'inconnu. Je mets en avant mes écrits, mais je veux pas devenir quelqu'un de connu. Faut que je mette le plein d'essence en manque d'essence. Paraît-il que je suis à bout. Demande à indécence, ma présence n'a pas généré beaucoup. Paraît-il que ma vie est claquée. Je mets le plein d'essence, je mets le plein d'essence. Là je suis prêt à tout éclater. Faut que je mette le plein d'essence, que je mette le plein d'essence. Faut que je mette le plein d'essence, je pense qu'ici j'ai tout vu. En pleine crise de démence, mais ne me dis pas que l'avenir est foutu. Même si la route est cloutée, j'avance, écoute que coûte, écoute, ma vision devient floutée. Mes chances on sème le doute, j'aime pas les tasses, les Tommy. Parlez pas d'anatomie, je veux pas les femmes, la vie, les villas de Montana Tony. Je veux juste respirer l'air pur. Ici j'ai perdu mes repères. Les faux amis me perturbent, donc pour partir, je suis déter, frère. S'il te plaît, laisse-moi seul dans mon coin. Souvent j'ai le seum comme un con. Je vais pas sous le sun sans mon joint. Pas de grosse somme sur un compte, pas d'annonce dans le bon coin. Mon histoire c'est pas un compte, aucune grosse montre à mon point. Ouais c'est dur de monter, je prends mon pied dans le sud à mon peuple. Je suis l'âge de rang Franche-Comté. Et je peux pas me fier à mon peuple, aucune mauvaise volonté. Mais bon je vois pas le bout du tunnel, en plus le temps est compté. Rien n'a changé dans ma ruelle. Faut que je mette le plein d'essence en manque d'essence. Paraît-il que je suis à bout. Demande à indécence, ma présence n'a pas généré beaucoup de sous. Paraît-il que ma vie est claquée. Je mets le plein d'essence, je mets le plein d'essence. Là je suis prêt à tout éclater. Je mets le plein d'essence, je mets le plein d'essence. Mais si je mets le plein d'essence, c'est pas pour faire que 330 kills. Faut un port de plaisance, pas de truc immense, un endroit tranquille. Ici les potes au tanky, à croire qu'on est en temps de guerre. Je suis pas tanguy mais ça tangue dans mon compte bancaire. Les sous planquent. Faut que je passe à la station. Dans le coffre j'ai 12 plantes. Mes novices en importation. La nature m'apporte assez. Malgré une routine passable, je garde un mental d'acier. Un peu de weed et quelques massas. Faut que je mette plein d'essence en manque d'essence. Allez, je leur montre que je sais rapper, que le rap n'est pas qu'un art de pleureuse. Je les entendais dire que je rappais comme dans le passé, c'est simple, ce track va faire des heureuses. Ils n'ont rien compris au rap, ils n'ont rien compris au rap. Lamborghini et Fama Wall, c'est ça que dénonce le rap. Mais bon, on va faire ce qu'il faut, montrer qu'on peut faire de la bonne trap avec un minimum de fond et maximum de bonne intention. On rappe, on raconte la vie, mais se raconte pas une vie. Qui peut prétendre pratiquer le rap en se prenant pour Bundy ou Kadhafi? Eh, hey, je ne comprends vraiment plus, mon gars, je ne comprends vraiment plus pourquoi tant de haine. Tant de vices, les critiques, mon gars, sont bien plus. Alors, on ne vit plus de vie pisse. Tout ce qu'on cherche, c'est s'expulser dessus. Notre culture a bien trop changé. J'aimerais bien les insulter, mais je suis bien éduqué. Tu portes Gucci, Versace. Nous, la mode, on s'emballe. On s'emballe quand M.I.C. On n'est pas venu pour les sous. On est venu pratiquer ce qu'on aime. On n'est pas venu faire des sous. On est venu rapper, mec, c'est tout. Combien on crut qu'ils étaient bons, car ils géraient un peu la trappe. Ils nous parlent de gun et de fion, mais n'ont qu'un mic en fait dans leur sac. Et là, je fais comme tous ces mômes. Rom pom pom pom pom pom pom. Ils sont en train de nous diaboliser comme Steve Jobs et sa putain de pomme. Comment sera l'avenir? On note l'artiste à son nom de like. Comment dans mon futur? On note l'artiste sur son savoir-faire. Et mes frères m'ont toujours poussé. Ceux qui aiment pas finalement je m'en tape. Tu peux me parler, me dire ce que tu veux. J'écoute comment ou bien mes refrains. Et je te prouve que tu sous-estimes combien de jeunes sont vus à la baisse. Si être best est le plan A, être numéro 1 est le plan B. Et mon gars on s'est pas planté. On a fait tout ce qu'on a voulu. J'assume ne pas vivre de la rue. Et je suis fier de ne pas y baigner. Et jamais, jamais je les écoute. Et jamais, jamais je les écoute. tous ces rappeurs qui te bullshit et te font croire que la rue est sacrée. Qui c'est qui est sacré? Qui c'est qui est sacré? Tu te sacrifies pour un frère qui voudra te planter pour ta monnaie. Ah putain, quelle est belle la rue, rappelle-moi de pas y aller. Mais je respecte tous les guerriers qui taffent dur et qui veulent se barrer. C'est quand tu te prends pour personne, mon pote, que finalement t'es quelqu'un. Et même mon chien est moins animal que toutes ces petites catins. Encore une aide pour la jeunesse, endoctrinée par toutes les thèses. Combien se voit déjà au top avec des millions frères sous les fesses. On est tous passés par là, arrêtez du million. Mais t'es mignon cousin là, Yves, c'est pas les anges, c'est plutôt le démon. À la Mister B. Dans le jean, paquet crassé, sale jean. Bastos dans ta carabine. Tous mes records, c'est ça ma team. P.A.L, c'est ça le style. Bébé, je n'aime pas tes copines. En noir et blanc comme dans Billie Jean. À la mode d'Orcelle, y'a des femmes fondantes. Elles nous en sorcellent. Elles soient des sorcières. Menottées, écrouées, les poches trouées. Elles t'a laissé nos indélires. De barbelés, série TV. À la mode PRK, par ici, par ici, viens par ici. Hein? Par ici, viens par ici, y'a du flow par ici. Ma petite parisienne par ici, avec King Lo Blowing, j'fais un bail par ici. Par ici, par ici, viens par ici, y'a du flow par ici. Ma petite parisienne par ici, avec King Lo Blowing, j'fais un bail par ici. J'fais un bail par ici, tu ne peux pas rater ça, y'a. Tu ne peux pas rater ça, frappe de Léo Messi, coup de pied de karatéka. Tu veux pas me voir ici, on va cardiaque tes gars. J'fais un bail par ici, tu ne peux pas rater ça. Tu ne peux pas rater ça, tu ne peux pas rater ça. Frappe de Léo Messi, coup de pied de karatéka. Tu veux pas me voir ici, on va cardiaque tes gars. c'est la bonne équipe, c'est la bonne combine. 3-4 dans la pièce, que des gros combos. On fait ça à l'arrache, non y'a pas de cabine. Non y'a pas de copine, non y'a pas de coquine. Séance, rec, rec. Fais chauffer le capot, c'est après mon s'en va. Silence en rec, rec, rec. 019 qui m'a dit nous arrête. Grosse potion dans le blue jean. De me grade conso qui font l'affaire. Pas de pression, c'est moi Poutine. Vous méprisez, c'est la routine. Je l'attrape et je la relâche que demain. Dieu merci, j'aurais pas voulu naître demain. Le petit garçon est super. Devenu BRK et tu sens que ça graille. Bonhomme courageux, on essaie, mais le terrain est miné. Trop d'inspiration, tu vois qu'il délire à fond. On a aussi la forme, tout pour les terminer. C'est l'ancien terminal qui couchera tous vos aînés. Cahier rempli d'efforts, tu peux pas nier les faits. Tu sais qu'on est fort, on fait trop d'effets. Mais je suis difficile, je veux pas t'être difficile. Vu que c'est plus facile, ils font du commercial. Oh, je balance des vérités que ces bâtards ne veulent pas s'admettre. Je suis sur la colline avec mes acolytes. On cherche un plan un peu plus rentable. C'est le shit ou un tas de mecs. Les deux pourront te faire fumer un tas de mecs. Vu que je suis pas Walter, devine j'ai choisi quoi. Bizarrement c'est la concu qui perd du poids. Je suis sur la lune dans les nuages. Aucun contact, tu me vois plus dans l'annuaire. Là-haut j'aperçois un peu plus la lumière. Le rap m'a passé la vague à l'annulaire. Je suis sur la lune dans les nuages. Aucun contact, tu me vois plus dans l'annuaire. Là-haut j'aperçois un peu plus la lumière. Le rap m'a passé la vague à l'annulaire. À mon genre, j'ai charbonné pour. Grosse, j'en veux trop dans le rétro. Les condés qui veulent la poudre. Recto verso, la veste des putes. Face au gardien, lucarne et pute. Pas dire sous scellé à la butte. On se lève tous les jours. Véture et temple à Otex, on barreau dans la ville. Chacal nous sait, 10h minuit, 80 sur le nord, chose d'accueil à l'époque. Net cochon par la vie, tu regardes mal les trois villes. Si, bois d'argent, dur sauvage sans l'odeur. Belvédère, 335, des gros moteurs, gros terre. Ça sent la S dans la planque. T'es ma team, on est trop que son de fume. Dans la vie, si ça paye gratuit jusqu'au dernier centime. Arme à feu, chabot, manitou. 24 sur 24, comme les 24 heures. Je ferai tout pour retrouver les tueurs de mes parents comme Bruce Wayne. Les cibles sont dans l'ODRS. Gros chlasse comme épée d'un moquet. Je lève mon majeur à toutes mes ex. Gilets jaunes devant tous les ronds-points. Je connais vos vies, je connais tous vos recoins. Dans ma tête on est mille, dans ma tête on est loin. Calibré, tu peux demander une grève de rien. On est peu mais c'est comme si on était plein. J'ai remplacé le plein pour le The North Face. Tu fais quoi si on te à la caisse? Mets le son à fond dans la caisse. Visère les gueules si c'est trop la hesse. Tout le mois à l'heure, au début du mois en caisse. Tous les jours dans le bain. Tous les jours du mois en caisse, venir là tous par les mulots en caisse. Au quartier, j'ai sa sœur comme Pocahontas. Tous les jours dans le bank. Tous les jours du mois en caisse, venir là tous par les mulots en caisse. Au quartier, j'ai sa sœur comme Pocahontas. Assidu, tu vas rien faire aux autres. Tu vas finir un cocard à la Quasimodo. Résidu de sang au plus ou d'autre. Tu vas faire quoi déguisé en kimono? Sur le corps du monogro cul, elle a refait son corps. Des soirées, on a laissé destroy. On tabasse pas de corps à corps. Capuché jusqu'à voir dans le noir. Lunettes soudées sur le nez. On est trop chaud, faut écouter pour le croire. Sans que l'odeur, mon camaste gêne. Virus, ma boule à vague, ça c'est 35. Une balle dans la tête, maintenant parle. En loose, des locations, c'est la 45. Si t'es un trait à mon ennemi, tu parles. Deux ans après, j'ai pris 10 cm et je te canne. Fais pas le fou, tu vas 70 étages, ils t'aiment bien, ils détestent, c'est des fans. Tu l'ours, puis je vois son pelage. Tu l'ours, puis je vois son pelage. Tous les jours dans le bain, tous les jours du mois en caisse. Venir là tous par les mulots en caisse. Au quartier, j'ai sa sœur comme Pocahontas. Tous les jours dans le bain, tous les jours du mois en caisse. Venir là tous par les mulots en caisse. Pour la mi-fa, toi ta mytho, poteau laisse tomber. Cette année on va tous qu'on mette corda. Avec mon équipe j'avance désormais. Faut des sous, faut des billets. Mais pour les avoir il faut s'abonner. Faut des sous, faut des billets. Mais pour les avoir il faut s'abonner. Laisse tomber, on a fait le taf, on a charbonné. Vas-y laisse tomber pour mettre ben la mi-fa, faut de la monnaie. Vas-y laisse tomber. Laisse tomber, avec mon équipe on vise les sommets. Vas-y laisse tomber, laisse tomber. On a fait le taf, on a charbonné. J'ai des sous pour la mif, j'suis pas parano. Et dis-moi qui peut tester un bouc d'éther. Et j'perds pas mon temps gros au télo. La monnaie avant tout c'est misto. On cavale pour la monnaie, le game on va le plier. Et crois-moi cette année, poteau on va les choquer. On cavale pour la monnaie, le game on va le plier. Et crois-moi cette année, poteau on va les choquer. C'est des défauts que j'me bats. Mette bien la mi-fa. Et crois-moi gros j'suis al. Cette année on va grailler. Cet été faut que j'me bats. Faut mettre bien la mi-fa. Et crois-moi gros j'suis al. Cette année on va grailler. On veut les sous pour la mi-fa. Toi t'as mis ton poteau laisse tomber. pas tous qu'on met corps d'or. Avec mon équipe, j'avance désormais. Faut des sous, faut des billets, et les poules à fort, il faut s'abonner. Faut des sous, faut des billets, et les poules à fort, il faut s'abonner. Laisse tomber, on a fait le taf, on a charbonné. Vas-y, laisse tomber, pour mettre belle amie, faut de la monnaie. Vas-y, laisse tomber, avec mon équipe, on vise les sommets. Vas-y, laisse tomber, on a fait le taf, on a charbonné. On veut faire de la monnaie. Personne va nous stopper, faut jamais abandonner. Même quand y'a les condés, on veut le million et percer le plafond. On n'écoute pas les soi-disant qui nous empêchent d'aller de l'avant. Au quartier, si tu mouilles, faut pas paniquer. Si tu balances une douille pour te calmer, c'est la rue, faut pas parler. Yeah. Maillé pour l'ami, faut obligé de faire la diff. Maillé pour l'ami, faut obligé de faire la diff. Obligé de faire la vie. On veut les sous pour la MIFA. Toi t'as mis ton poteau, laisse tomber. Cette année on va tous qu'on mette corda. Avec mon équipe j'avance désormais. Faut des sous, faut des billets. Et les poules à fort, il faut s'abonner. Faut des sous, faut des billets. Et les poules à fort, il faut s'abonner. Laisse tomber, on a fait le taf, on a charbonné. Vas-y, laisse tomber, pour mettre belle amie, faut de la monnaie. Vas-y, laisse tomber, avec mon équipe, on vise les sommets. Vas-y, laisse tomber, on a fait le taf, on a charbonné. Cette année, faut qu'on braille, je bois pour mes frères à leur santé. Pour se sentir, t'es même pas prêt. Quand tu vois l'équipe, c'est qu'elle pour vieux. À la cité, on a trop zoné. C'est la galère, même à la zone. Cette année, oui, ça promet. Faut des sous pour la MIFA. On m'a dit, France, on ne freine pas. Tes fils t'ont grandi sans papa. Fais tout pour le tout, pour le randa. Sa bibi, même sous la pluie. Et c'est la street qui nous a dit. Sa bibi, même sous la pluie. Et c'est le street qui nous a dit. On veut les sous pour la MIFA. Toi t'as mis ton poteau, laisse tomber. Cette année on va tous qu'on mette corda. Avec mon équipe j'avance désormais. Faut des sous, faut des billets. Et les poules à fort, il faut s'abonner. Faut des sous, faut des billets. Et les poules à fort, il faut s'abonner. Laisse tomber, on a fait le taf, on a charbonné. Vas-y laisse tomber pour mettre belle amie, faut de la monnaie. Vas-y laisse tomber, laisse tomber. Avec mon équipe on vise les sommets. Vas-y laisse tomber. Claque du bif, fume le seum du riff. Moi c'est si je vais faire la diff. C'est chant mais je suis cramé grillé. Là c'est DG, je vais tartiner sur la calache. Ils vont touche tard, je suis dans le four. Laisse les faire les sourds, je suis en bas de la tour. Rien que ça m'étourne, je vais rentrer la maille. Je suis un homme, faut que je graille. Nique leur mère, à tous à taille. Je suis une caille, aucune faille. 6.3, je te dis bye bye. Short mon troisième doigt, j'appuie sur la gâchette. Je rafale, je mitraille. Je claque une 3 tailles. Je suis chaud pire que la veille, j'ai trouvé mon sommeil dans mon réveil illuminé par le soleil. Je suis malade, je me défonce à la weed, c'est le week-end, ça va ken. Laissez avoir la haine, y'a pas que sur la balance qu'on pèse. Débordement à la marraise, il est chaud d'art, le désert dans mode de barbare. Accompagné de mon rital, y'a l'arsenal, ça c'est vital. Bénéfice, bénéfice, on kidnappe même ton fils. Bénéfice, on kidnappe même ton fils. Bénéfice. Y'a la mégane qui tourne, mais y'a personne qui touche. Dans y'a personne qui bouge, on est pas gentil. Y'a son gros qui bouge, y'a la racaille qui chauffe. Mais y'a personne qui touche, on est méchanté. Un toit, faut pas tester le gros, y'a des fous partout. Des lobes partout, c'est léger l'équipe. On leur fait chaque trou, c'est léger béni. Ouais, par chaque four, pas des balivernes, c'est la suite que j'alimente. Comme des galinettes, on est rare, tu nous trouves à la buvette. Rap t'as dans le verre, t'as la tête dans la cuvette. C'est pas rap contendeur, nous on t'enterre. Rare comme une panthère, que des coups d'air. Y'a rien que ton père, on encule ta mère, on encule ton père. C'est léger, grand spiff, c'est léger, grand verre. Bang, bang, bang, bang. Bénéfice, on kidnappe même ton fils. Bénéfice. J'ai pas besoin d'un projecteur, tu peux garder ta lumière. J'ai pas besoin d'un protecteur, je vais dans le fusil à lunettes. J'ai pas besoin d'un correcteur, des conseils dans la cuvette. J'ai pas besoin de faire la terreur, non pas besoin de faire la terreur. Like moi ou me like pas, je calcule pas comme ride de car. Rappeur qui est déguisé, arrête qu'une bite de trap, une bite de trop. Ils sont tous faux comme bilan climatique, on a mille ans d'avance. Ça c'est des GC tyranniques qui mettent l'orbite où j'ai mis ma bite. Ah, je donne ma bite, j'arrive les cougars. La française, si t'as des oreilles qui crient, mon pont est rempli, c'est du trinxel. Le SDF, il prouve qu'on n'est pas tous logiques, en même en scène. Du LPD dans les manifs pour faire respecter les consignes. C'est bien des rois qui tiennent les règles. Moi, tous les soirs, c'est nouvel an. Tous les matins, je mets étreintes. Une fois par mois, je respecte les règles. Y'a des équipes qui montent au char, y'a des raclons. Qu'est-ce qu'ils feraient pas pour une tocha qui t'a payé? Finir le chat, finir le chat. Dans CDG, on les baisse, ces gros tocards. Je m'en balance d'être dans la tendance. En moi j'ai confiance, je mène la danse. Je n'ai pas peur de la concurrence. Ma souffrance est mon essence. C'est une évidence, je monte en puissance. Toute mon adolescence n'a été que violent. Je me fie pas aux apparences. Je conserve mon indépendance. Moi et eux, on n'est pas sur la même fréquence. Mon expérience m'a appris la souffrance, même quand y'a urgence. J'ai pas besoin de leur alliance, j'avance dans la prudence. Envoie la substance que je stimule mon intelligence. Mon intelligence, pris entre la vengeance et mon indulgence. C'est dur de faire confiance, j'fais mes années d'insolence. Mais j'ai pas manqué de clairvoyance, ça doit être mon côté prédominance. Qui doit les mettre en tronche, je ne vise que la performance. Où j'assure ma descendance, j'en dans la zone de turbulence. Ils repartent en ambulance, mon influence fait monter l'audience. Fait monter l'audience, ouais c'est ma romance. Percé à la violence et à la souffrance. Partout ça pète, je rappe pas à l'air. Je fais le jihad dans ma tête, c'est la même. Pas de miracle où j'habite, c'est la merde. Je viens du désert à l'autre bout de la mer. Je veux du désordre, on va buter le maire. Dans son bureau, devine qui fera le mort. Sa secrétaire, je lui ferai l'amour. Oui, j'aime la France, mais je veux baiser le monde. Je suis pas à la mode, je suis pas un modèle. J'ai la fille, ils ont un modèle. Je ne suis qu'un homme, elle veut un modèle. J'ai la oui, ils tombent en OD. I'm a legend, mon gars, t'es fini. Mec, tout est déjà défini. T'attends ta nouvelle vie. Mon son a le temps de vieillir. Rêve, faut que je respire à la vue des billets. Je ressens des désirs se réveiller. Tu rentres dans le délire, je te vois trop en dire alors que t'as rien fait. De jour en jour ça empire, mais on veut poursuivre sans se faire griller. Dur à faire, en plus je vois que les Schmitt ont plus les mêmes baladeuses que mes rails. Je gratte des couplets tard la nuit, on n'est jamais mieux dégoûté que par la vie. Jamais je serai envoûté par une fille qui me ferait refuser un tadjébi. Je sais que tu piges là où je veux en venir, on rêve d'être guidé vers le paradis. On est paradin, mais je te tends la main. Fais pas le grand, parle-moi bien. Ah, à ce qui paraît, y'a pas de thème. Putain j'ai pas de rime mais fuck y'a pas de thème. Roulez boulez, j'prends le micro pour les goumer. Et puis tous les jours j'vous mets des def MC, faites ce que vous pouvez pour accrocher le wagon comme d'hab, le son glisse prof savon. J'entends beaucoup de merde dans leur sud, ça sent pas bon. Fais ma vaisselle, billard, active, car je cuisine fort. Si je suis pas là, c'est que je fais des dingueries dans le cul d'une folle. Parle en langage codé, l'auditoire refait inodé. Oui, vas-y, allume un charbon au micro, mes gars sont chaudés. Ces salauds veulent me faire tomber, ils me font des croches putes. Faut leur dire que j'ai leur petit frère dans mes grosses burnes. Wesh, MC, tu parles à qui? Côté son ta Anakin. J'traîne seul, mais j'ai un tas d'amis. Coup de fil, tu tombes comme stalactite. Tu pars sur moi, fais pas la bise. De 5 bunkers, mes galactiques. J'm'arrête le jour où j'rafle la mise. Plus de flair que la brigade canée. Demande à Saki, j'te parle de ma vie. RDD, les grands sur le parking. J'suis plus au checks, mais j'suis pas factice. Black, blanc, beurre, sans frontières comme un Maastricht. Pas de triche, pas de stress. Sur le beat que j'plante ma graine. J'm'applique, y'a pas de thème. Mais j'crois que tes gars sont pas prêts. Du bipon, j'suis pas Pinocchio. Écoute ce son qui sort de ton stupo. C'est des OM, des paroles saines. Prends-en la graine, vite avant que le mal te traîne. Pas besoin d'aide, j'me suis fait solo. J'irai toujours plus. Plus haut, je veux le mago, le compte à Sarko. Ma life est en décalage, je ne peux trouver les mots. Si on vient à me mettre en cage, si un jour je devrais partir, ça ne sera pas loin de ma mi-feu, jamais je laisserai ma team, même pour un gros yé. Bi, c'est trop easy, c'est qu'une question de style, rien à prouver, je suis en train de couler. Toc, toc, je viens cogner à la porte, c'est la faucheuse, gars, y'aura pas d'escorte solitaire, je suis à